sur moi, j'l'ignore. Ne parle pas, papa. Si t'assumes pas, papa. Tout ça, t'as mal à la tête. J'fais plus de calculer, trop t'en vaut pas la peine. Oh bébé, ça va, j'suis dans ma planète. J'ai besoin de tes gains pour remplir la mallette. Sous les étoiles, j'repense, j'ai perdu beaucoup de gens. Et vas-y, décale, et surtout fais pas le vrai. J'ai plus les mots, y'a que des galères. Mais c'est comme ça, faut faire avec. J'veux profiter mon gros tour à nada. Laisse-moi t'oublier, j'fume la patata. 23 Marseille, le prix des ratata. Faut que tu restes fort même si y'a papa. T'aimes pas plus coucou, tu mets les nerfs. Tu rends fou. Le casque, le bonnet, un gros conne. Parce qu'aujourd'hui j'ai charbonné, j'ai fait l'aumône. Faut pas calculer la monnaie dans les bouches du Rhône. Camouflé pour zoner, la résonne. Le casque, le bonnet, un gros conne. Parce qu'aujourd'hui j'ai charbonné, j'ai fait l'aumône. Faut pas calculer la monnaie dans les bouches du Rhône. Camouflé pour zoner. Je veux profiter mon gros tour à nada. Laisse-moi t'oublier, j'fume la patata. 23 Marseille, le prix des ratata.